De l'étage, à ces mots, la reine descendit. Quel trouble dans son cœur! Elle se demandait si de loin elle allait interroger l'époux, ou s'approcher de lui et, lui prenant la tête et les mains, les baiser. Elle entra. Elle avait franchi le seuil de pierre. Dans la lueur du feu contre l'autre muraille, juste en face du lys, elle vint prendre un siège. Assis, les yeux baissés, sous la haute colonne, il attendait le mot que sa vaillante épouse, en le voyant, dirait. Mais elle se taisait, de surprise, accablée. Elle resta longtemps à le considérer, et ses yeux tour à tour reconnaissaient les traits d'Ulysse en ce visage, où ne pouvait plus voir que ses mauvais haillons. Son fils, en la tensant, lui dit et déclara « Ton cœur est trop cruel, mère. Ô méchante mère, de mon père pourquoi t'écarter de la sorte? Auprès de lui, pourquoi ne vas-tu pas t'asseoir, lui parler, t'enquérir? Fus-tu jamais un cœur de femme aussi fermé, s'éloigner d'un époux, quand après 20 années de longs maux et d'épreuves, il revient au pays? Ah, ton cœur est toujours plus dur que le rocher. » La plus sage des femmes, Pénélope, reprit. « Mon enfant, la surprise est là, qui tient mon cœur. Je ne puis proférer un mot, l'interroger, ni même dans les yeux le regarder en face. Si vraiment c'est Ulysse qui rentre à sa maison, nous nous reconnaîtrons, et sans peine l'un l'autre, car il est entre nous de ces marques secrètes, qu'ignorent tous les autres. » À ces mots, le divin Ulysse eut un sourire, et vite à Télémaque, il dit ces mots ailés, le héros d'endurance. « Laisse donc, Télémaque, ta mère en ce manoir veut encore m'éprouver. » Malheureuse, jamais à une faible femme, les dieux, les habitants des manoirs de l'Olympe, n'ont mis un cœur plus sec. Est-il de notre cœur de femme aussi fermé, s'éloigner de l'époux, quand après 20 années de longs maux et d'épreuves, il revient au pays? C'est bien. Nourrice, à toi de me dresser un lit. J'irai dormir tout seul, car, en place de cœur, elle n'a que du fer. » La plus sage des femmes, Pénélope, reprit. « Non, malheureux, je n'ai ni mépris ni dédain. Je reprends tout mon calme et reconnais en toi celui qui, loin d'Ithaque, partit un jour sur son navire à vos longues rames. Obéis, Euryclée, et va dans notre chambre, au solide murailles, nous préparer le lit que ses mains avaient fait. Dresse les bois du cadre, et mets-y le coucher, les feutres, les toisons, avec les draps moirés. » C'était là sa façon d'éprouver son époux. Mais Ulysse, indigné, méconnut le dessein de sa fidèle épouse. « Ô femme, as-tu bien dit ce mot qui me torture? Qui donc a déplacé mon lit? Le plus habile n'aurait pas réussi sans le secours d'un dieu qui, rien qu'à le vouloir, l'aurait changé de place. Mais il n'est, homme en vie, fut-il plein de jeunesse, qui lui roulait sans peine. La façon de ce lit, c'était mon grand secret. C'est moi seul qui l'avais fabriqué, sans un aide. Au milieu de l'enceinte, un rejet d'olivier déployait son feuillage. Il était vigoureux, et son gros fût avait l'épaisseur d'un peuplier. Je construisis autour, en blocs appareillés, les murs de notre chambre. Je la couvris d'un toit. Et quand je lui munis d'une porte au panneau de bois plein, sans fissure, c'est alors seulement que de cet olivier, coupant la frondaison, je donnai tous mes soins à éclairer le fût jusqu'à la racine. Puis, l'ayant bien poli et dressé au cordeau, je le pris pour montant où chevillait le reste. À ce premier montant, j'appuyai tout le lit, dont j'achevai le cadre. Quand je l'eus incrusté d'or d'argent et d'ivoire, j'y tendis des courroies d'un cuir rouge éclatant. Voilà notre secret. La preuve te suffit? Je voudrais donc savoir, femme, si notre lit est toujours en sa place, ou si, pour le tirer ailleurs, on a coupé le tronc de l'olivier. » Il disait. Pénélope sentait se dérober ses genoux et son cœur. Elle avait reconnu les signes évidents que lui donnait Ulysse. Pleurante et s'élançant vers lui, et lui jetant les bras autour du cou et le baisant au front, son Ulysse, elle dit. « Ulysse, excuse-moi. Toujours je t'ai connu le plus sage des hommes. Nous comblant de chagrin, les dieux n'ont pas voulu nous laisser l'un à l'autre à jouir du bel âge et parvenir ensemble au seuil de la vieillesse. Mais aujourd'hui, pardonne, et sois sans amertume, si du premier abord je ne t'ai pas fêté. Dans le fond de mon cœur, veillez toujours la crainte qu'un homme ne me vînt abuser par ses comptes. Il est tant de méchants qui ne songent qu'aux ruses. Mais tu m'as convaincu. La preuve est sans réplique. Tel est bien notre lit. En dehors de nous deux, il n'est à le connaître que la seule actrice, celle des chambrières, que pour venir ici, mon père me donna. C'est elle qui gardait l'entrée de notre chambre aux épaisses murailles. Tu vois, mon cœur se rend, quelque cruel qu'il soit. Mais Ulysse, à ces mots, pris d'un plus vif besoin de sangloter, pleurait. Il tenait dans ses bras la femme de son cœur, sa fidèle compagne. Pendant qu'ils échangeaient ces paroles entre eux, la nourrice Riclée, aidée de Rhinomée, leur préparait le lit à la lueur des torches. Quand leurs soins diligents eurent garni de doux tissus les bois du cadre, la nourrice rentra chez elle pour dormir. Mais leur servant de chambrière, Eurynomée, revenait, torche en main, pour leur ouvrir la marche. Elle le conduisit dans leur chambre et revint, les laissant au bonheur de retrouver leur couche et ses droits d'autrefois.